Sky. Et celui-là, c'est pour toutes les filles célibataires. Yeah.

Minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. De France, faut aller le pécho. Paris, Oran, New York, DJ Case, 25 titres inédits. DJ Case, bonsoir. DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Hey, c'est la fête sur Skyrock, c'est la fête. Hey, Rail Suprême, c'est la base, hein. C'est la déguste. Allez, on accélère, on déguste, c'est l'été, c'est les vacances. Dédicace à Fred, celui-là. Dédicace à tous les Kabyles. Sur Skyrock, c'est la déguste. On s'enjaille, DJ Kays. Sur ce morceau, il faut que tout le monde danse, hein. Dans la voiture, à la maison, dans les chichas. Ça fait penser à la Coupe du Monde. Big up aux Algériens. Hey, très beau parcours à la Coupe du Monde. Allez, on y va, DJ Kays.